La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans la querelle des anciens et des modernes, Jean Racine se situait du côté des premiers et son théâtre, bien souvent inspiré de mythes et de tragédies antiques, est un pilier du théâtre classique. Et pourtant, n'y a-t-il pas déjà quelque chose de moderne, voire de romantique, dans sa manière de peindre des personnages ballottés par leurs sentiments, pas toujours héroïques mais totalement humains? Eh bien, c'est l'une des questions que nous aurons à cœur de nous poser ici jusqu'à jeudi. Jeudi, où nous parlerons de l'amour chez Racine, ce sera avec Nathalie Azoulay, qui a publié en 2015 le roman Titus n'aimait pas Bérénice chez POL. Et puis Pierre Lepape viendra ensuite nous livrer son regard sur la vie et l'œuvre du dramaturge. La veille, nous aurons interrogé ses liens avec Euripide et parlé longuement de sa pièce Phèdre. Ce sera en compagnie de l'universitaire Tristan Allonge. Et enfin, demain, nous ferons le parcours de l'œuvre grâce au spécialiste et biographe de Racine, Georges Forestier. Et aujourd'hui, pour raconter la vie de Racine, nous sommes en compagnie d'Alain Viala, professeur émérite à l'université d'Oxford et de la Sorbonne, auteur en 2019 de La galanterie, une mythologie française, c'est aux éditions du Seuil, et aussi, il y a beaucoup plus longtemps, d'un essai biographique intitulé Racine, la stratégie du caméléon, aux éditions Segers. Il a également dirigé, avec Sylvaine Guyot, une édition du théâtre complet de Racine, aux éditions Classique Garnier. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres. La flèche du temps doit s'inverser en littérature, et de la même manière qu'on doit lire, me semble-t-il, Homère à la lumière de Joyce, je crois qu'on doit lire Racine, le texte racinien, comme s'il était le dernier tour de génie de quelqu'un qui serait par exemple Charles Baudelaire. Voilà. Imaginez que Charles Baudelaire ait écrit Andromaque. Ça change tout. Voyez, c'est-à-dire que même les phrases qui auront l'air calmes, tranquilles, écrites par un délicieux courtisan de Louis XIV, arriviste sans doute, mais très brillant, tout d'un coup deviennent des fleurs du mal, des choses vénéneuses, maudites, hein, qui fermentent comme ça et qui bouillonnent. Je crois qu'il faut lire Racine comme ça. C'est une manière aussi d'entendre en quoi il est connecté à ce qui est le plus intime, le plus privé, le plus secret en nous. Bonjour Alain Viala. Bonjour. C'est une voix que vous connaissez bien. Une voix que je reconnais avec plaisir. Bonjour Daniel, puisque c'était Daniel Mesguich. Voilà, acteur, metteur en scène. Alors lui, il dit que Racine, c'est un arriviste très brillant. Et vous, vous dites que c'est un caméléon. Et vous dites même que c'est le caméléon des caméléons. Qu'est-ce que ça signifie? Mais on va tout de suite dissiper un possible malentendu en faisant de l'érudition. 1655, Paul Pélisson publie un petit ouvrage remarquable qui est une postface à l'édition des œuvres complètes d'un poète inconnu pour nous, mais très important à l'époque, qui s'appelait Sarrazin. Et il théorise dans cette postface ce que c'est qu'un excellent écrivain. Ce sont ces mots. Qu'est-ce qu'un excellent écrivain? Et Pélisson dit « L'excellent écrivain est forcément semblable au caméléon des naturalistes ». Donc j'ai parlé de Racine caméléon en m'inspirant de Pélisson, auteur très important et prédécesseur de Racine dans la fonction d'historiographe du roi. Vous voulez dire que ça n'est pas péjoratif ? Absolument pas. Oui. Ça veut dire quoi, caméléon, dans l'acception des réalistes, avez-vous dit ? Non, pardonnez-moi, j'ai Pélisson, pas compris. Cette métaphore du caméléon, cela signifie que l'excellent écrivain doit être capable de prendre les couleurs, les tonalités qui correspondent à un moment, un milieu, un public. Oui. C'est un peu ce qu'il a fait et ça lui a permis de percer très jeune dans le champ littéraire. Il faut dire d'emblée, Alain Vialat, que vous avez aussi une approche un petit peu sociologique de la vie de Racine. Donc on va mêler un petit peu littérature et sociologie aujourd'hui. Il a fait plus fort que ses contemporains dans la rapidité avec laquelle il a gravi les échelons, Racine. Il est allé très vite. En écrivant sa biographie, j'ai tenu à commencer par le premier document qui nous soit resté, le premier texte signé de la main de Racine qui nous soit resté, c'est une lettre. Et cette lettre, elle est adressée à un très grand écrivain de l'époque, patron de l'Académie française à ce moment-là, Chapelain, et elle commence comment ? Elle commence par « Je vous envoie mon sonnet ». Donc le premier signe un peu public que donne Racine, c'est un acte d'écrivain et il a pile 20 ans. Donc, la consécration, elle va arriver assez rapidement pour Racine et puis elle demeure toujours parce que ce soit à l'école, que ce soit dans le théâtre aussi, c'est un des écrivains, un des auteurs dramaturges français les plus joués, les plus respectés. C'est devenu un phare quand même, Racine. C'est plus qu'un phare, c'est un monument. Si c'est un phare, c'est le phare d'Alexandrie, une merveille de la littérature française. C'est un auteur, c'est le classique par excellence. C'est un auteur effectivement encore très lu, un petit peu moins peut-être, mais encore très lu, très très représenté. Et toutes les jeunes troupes de théâtre et tous les grands acteurs et les grands metteurs en scène, un jour ou l'autre, affronte Racine. La consécration dans le monde du théâtre, ça passe par le fait d'affronter le monstre, ce monstre dramatique et littéraire qu'est Racine. Alors on va raconter un petit peu sa vie et revenir au commencement, c'est-à-dire à La Ferté-Milon. C'est une ville, petite ville du département de l'Aisne. Et c'est là qu'il est né, Alain Vialat, en 1639, dans une région propice au génie poétique, puisque La Fontaine est née à Château-Thierry en 1621, Claudel beaucoup plus tard, en 1868, est née à Villeneuve-sur-Fer. Ça ressemble à quoi La Ferté-Milon, ou ça ressemblait à quoi du temps de Racine plutôt? Ah, ça ressemble encore, ça mérite d'être visité. La Ferté-Milon, c'est pas loin pour les Parisiens, et c'est pas loin pour toutes sortes de provinces. C'est une toute petite ville, avec au milieu coule une jolie rivière, et avec des bâtiments dans le centre-ville qui sont encore des bâtiments assez bourgeois, puisque c'est un petit centre administratif. Et ça l'était déjà à l'époque de Racine. Les bâtiments sont tels qu'ils ont été conservés du temps où cette bourgeoisie locale avait à gérer l'activité de cette région qui est essentiellement une région agricole. Et il y a aussi les mines de sel, ou les greniers à sel plutôt. Les greniers à sel. Pardonnez-moi, oui. Les greniers à sel, oui, évidemment. Oui. Qui ont un lien avec Racine, puisque le père de Racine... Oui, le père de Racine était employé à l'administration du grenier à sel. C'est une famille de petite bourgeoisie provinciale, de bonne petite bourgeoisie provinciale. Ils ne sont pas riches, mais ils ne sont pas pauvres. Enfin, ça fait partie de ceux qui appartiennent à ce qu'on appellerait aujourd'hui des petites classes moyennes. Ouais. Parce qu'il y a un mythe quand même du Racine pauvre, du Racine qui a grandi dans la misère. Il a, de fait, n'était pas pauvre, mais il s'est retrouvé orphelin de mère très tôt. À 2 ans. Orphelin, c'est ça, orphelin de père assez vite, oui. Et donc pris en charge par ses grands-parents. Et les grands-parents n'ont pas trouvé dans l'héritage laissé par le père à son décès, beaucoup d'argent. Donc Racine a été un peu tributaire du bon vouloir familial, non pas dans la misère, mais dans la dépendance. Et je crois que ce point est important pour le comprendre ensuite. Pourquoi ? Parce qu'il a été obligé de faire un choix très basique, qui est ou de s'adapter au milieu dans lequel on l'accueillait parce qu'on le recueillait. C'était très normal à l'époque qu'un petit-fils ayant peu de moyens, soit pris en charge par les grands-parents. Mais quand même, il fallait qu'il se fasse accepter dans ce milieu ou qu'au contraire, il soit un petit rebelle. Or, il n'a pas, autant qu'on sache, été un petit rebelle. Il s'est fait accepter dans ce milieu. Disons qu'il est plutôt une figure d'enfant sage. Mmh. Alors, il y a eu pas mal de biographies qui ont été très hagiographiques avant que de réels historiens ne viennent tenter de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais dans ces hagiographies, il y a l'idée justement d'un Racine qui a transcendé les classes sociales. Et ça, c'est quand même une vision que vous avez peut-être en partie revue, mais enfin qui existe quand même. Est-ce que Racine lui-même a œuvré pour qu'on ait de lui cette image après sa mort? Non. Racine n'a pas construit une figure à la Balzac. Ça ne l'intéressait pas, vous pensez? Il n'avait pas cette idée en tête, l'idée de la postérité? C'est le monde dans lequel il vivait qui l'intéressait en premier lieu? Vous venez, Mathieu, de dire d'employer un mot extrêmement important. Vous avez dit « vous pensez ». Mais je pense qu'il faut quelquefois, quand on essaie d'écrire une biographie, accepter de ne pas savoir. Mmh. Une biographie, c'est à peu près impossible. On ne connaît pas le détail des sentiments, des perceptions, des sensations, des pensées intimes. Donc, je ne sais pas ce qu'il pensait, mais on peut essayer d'observer ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, c'est, on peut dire, une forme de promotion sociale partie d'un milieu modeste. Il est arrivé à une position sociale... À la noblesse, quand même. ...extrêmement avantageuse. Il est arrivé à la noblesse, à un emploi à la cour. Il a fait en sorte de disposer de moyens financiers tout à fait appréciables. Donc, une vraie promotion. Mmh. Est-ce qu'il l'a calculé intimement, je ne sais pas. En revanche, ce que l'on peut voir, c'est que, vu ce qu'était son milieu d'origine, il pouvait, comme tout le monde à l'époque, souhaiter faire une sorte d'itinéraire ascensionnel dans la société. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a été un itinéraire particulièrement rapide et brillant. Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors, parmi les moments marquants de cet itinéraire, il faut évidemment parler de Port-Royal. Port-Royal, c'est donc là où la grand-mère de Racine va emmener son petit-fils. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été l'enfant de Port-Royal, Alain Viala? D'une certaine façon, oui. Il a effectivement été éduqué aux petites écoles de Port-Royal, ce qui à l'époque, constitue une sorte de lieu novateur et ultra sélectif. Et une espèce élitiste. De grande école, non? Une petite grande école, si l'on veut employer cette image. Et il a fait un très bon élève de Port-Royal. Ce qui est intéressant, là, pour prendre ce point précis, d'un point de vue sociologique, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui vient d'un milieu modeste, disons-le comme ça, mais qui du coup reçoit à Port-Royal, par les relations de sa famille avec ce milieu port-royaliste, une éducation très poussée, similaire à celle que reçoivent certains aristocrates, dont les familles veulent qu'ils aient une formation extrêmement pointue, si je peux employer ce terme. On a donc un décalage visible entre son milieu de départ et sa formation intellectuelle. Il faut dire qu'il est ce qu'on appellerait aujourd'hui un boursier. Il ne paye pas pour étudier à Port-Royal des Champs. Oui, c'est, on pourrait entrer dans le détail, mais grosso modo, il est parmi les défavorisés au sein d'un milieu d'élèves principalement favorisés. Ouais. Donc, alors, il était aidé, on va dire. Ça ressemble à quoi, l'éducation à Port-Royal, et en quoi est-ce que ça a pu l'influencer dans son œuvre ensuite? Ça a deux particularités intéressantes. L'une, c'est que ça donne une très grande familiarité avec les auteurs anciens, grecs et latins. C'est un lieu de grands connaisseurs du grec, du latin et des auteurs de cette époque. Mais deuxièmement, c'est aussi un lieu où l'on utilise le français, à la différence des collèges jésuites, sur le fronton desquels était inscrit « lingua latinam loquatur ». Ici, vous ne parlerez que latin. Oui. C'est un lieu où on prend l'habitude de voguer entre le français et la lecture, dans le texte latin ou grec, des auteurs anciens. Et du coup, de penser, d'écrire immédiatement en français, et non pas d'écrire un français qui serait inspiré du latin, comme c'était le cas peut-être pour d'autres dramaturges de l'époque. Ça joue peut-être dans l'écriture même des pièces de Racine. Je pense qu'il a une maîtrise particulière du français, en effet. Je pense d'autre part que ça le met dans une situation, comment pourrais-je dire, de bilinguisme, parce qu'il est extrêmement féru de grec et de latin. Ça lui est naturel, on le voit annoté, on a des traces d'annotation de Racine sur des textes grecs et latins, on voit qu'il lisait ça de façon immédiate. Et par expérience, j'aurais tendance à dire que le bilinguisme, ça aiguise l'esprit à la dextérité, la sensibilité aux détails de la langue. Il est même plus que bilingue, je crois, puisqu'il parle l'espagnol, peut-être aussi l'italien. En tout cas, il l'a appris à Notre-Dame-des-Champs. À Port-Royal-des-Champs. Alors, il y a ensuite un intermède, qui est un retour à Beauvais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces deux années au collège-lycée de Beauvais? Alors, Beauvais, c'est le collège de Beauvais à Paris. Et c'est le collège de Beauvais, il vient faire sa philo. Dans le cursus de l'époque, on fait ses études secondaires jusqu'à la classe qu'on appelait de rhétorique, l'équivalent de la classe de première aujourd'hui. Puis on fait 2 ans de philo, qui sont 2 années propédeutiques, pour se préparer à d'éventuelles études supérieures. Il en existait 3 possibilités, le droit, la médecine ou la théologie. Mais pour ça, il fallait avoir fait ces 2 années de philo. La première année était plutôt une formation générale. Ce qu'on appelait philo, c'était en fait une initiation aux sciences. Et puis la deuxième année était davantage tournée vers les questions de droit et de théologie. Il fait philo. Mmh. Il ne fera pas d'études supérieures ensuite, mais il aurait pu très immédiatement devenir un étudiant en droit. Alors on n'a pas beaucoup d'histoire de ce qui s'est passé pour lui là-bas pendant ces 2 années. Il y a juste cette anecdote d'une pierre reçue sur le front qui lui a laissé une cicatrice pour toujours. Oui. Mais elle n'est pas signifiante, elle ne veut rien dire. Moi, je n'en tirerai aucune considération, faute d'informations qui seraient parlantes, sauf qu'on sait que l'anecdote existe. Oui. Et puis, il y a aussi l'idée que finalement, il aurait été plutôt plus malheureux dans ce collège de Beauvais que à Port-Royal. Et il retourne donc à Port-Royal pour 1 an ou 2 encore, c'est ça? Oui, mais tout ça est très compliqué. Ça n'est pas un itinéraire linéaire. C'est un moment où, si on veut faire des études supérieures, il faut les financer. C'est un moment où le séjour même dans un collège doit se financer. Et il revient à Port-Royal parce que, financièrement, c'est un lieu où il peut continuer à se former et rendre des services en contrepartie sans avoir les financements correspondants. En 1659, ses études sont terminées. Il rêve de gloire littéraire, mais c'est plutôt une période d'inactivité qui va s'ouvrir pour lui. C'est pas une période d'inactivité, c'est tout un métier que de survivre. Et il est extrêmement... C'est du chômage, disons. Oui, c'est une période de chômage, c'est ça, inactivité au sens de chômage. Oui, il a tracé, tissé toutes sortes de relations dans des milieux parisiens, avec son cousin Vitard, avec La Fontaine qu'il va bientôt rencontrer, avec un de ses amis, l'abbé Levasseur. Donc il vit dans ce milieu-là. En même temps, il rend des services aux aristocrates protecteurs de Port-Royal. Donc il s'active à se chercher une voie. Alors vous avez parlé de l'abbé Levasseur. Voici justement une lettre de Racine envoyée à cet abbé. Vous vous attendez peut-être que je m'en vais vous dire que je m'ennuie beaucoup à Babylone et que je vous dois réciter les lamentations que Jérémie y a autrefois composées. Mais je ne veux pas vous faire pitié, puisque vous n'en avez pas déjà eu pour moi. Je veux vous braver, au contraire, et vous montrer que je passe fort bien mon temps. Je vais au cabaret 2 ou 3 fois le jour. Je commande à des maçons, à des vitriers et à des menuisiers qui m'obéissent assez exactement et me demandent de quoi boire quand ils ont fait leur ouvrage. Je suis dans la chambre d'un duc et pair. Voilà ce qui regarde le faste. car dans un quartier comme celui-ci, où il n'y a que des gueux, c'est grandeur que d'aller au cabaret. Tout le monde n'y peut pas aller. Mais j'ai des divertissements plus solides, quoiqu'ils paraissent moins. Je goûte tous les plaisirs de la vie solitaire. Excepté 5 ou 6 heures du jour, je suis tout seul, et je n'entends pas le moindre bruit. Il est vrai que le vent en fait beaucoup, et même jusqu'à faire trembler la maison. Je lis des vers, je tâche d'en faire. Je lis les aventures d'Arioste, et je ne suis pas moi-même sans aventure. Une dame me prit hier pour un sergent. Je voudrais qu'elle fût aussi belle que Doralis. Je lui aurais fait les offres que Mandricard fit à cette belle quand il congédia toute sa suite pour l'amener. « Io mastro, io balia, io risaro sargente, in tutti i bisogni suoi. » Mais je ne me suis pas trouvé assez échauffé pour lui faire cette proposition. Voilà comme je passe mon temps à Babylone. Je ne vous prie plus d'y venir après cela. Il me semble que vous devez assez vous hâter pour prendre des divertissements de cette nature. Nous irons au cabaret ensemble. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Cette lettre date du 6 juin 1661. Racine a 22 ans. Il a l'air de s'amuser beaucoup, Alain Viala. Il travaille. Oui, il va au cabaret. Non, il travaille. En fait, il a été chargé par une grande famille ducale, protectrice de Port-Royal, de surveiller les travaux. Donc, il est dans un château temporairement déserté par sa population habituelle parce qu'il y a des maçons et des plâtriers dans le château et il faut quelqu'un qui garde un œil sur l'avancement du travail. Et donc, il est là en fonction d'employé temporaire. Et effectivement, le reste du temps, il a du loisir. Bon, et c'est bien normal. Donc, on se rend compte que, finalement, Racine n'est pas encore dans l'idée de faire une carrière littéraire à ce moment-là. Il lit l'Arioste, il écrit la lettre que l'on vient d'entendre. C'est un modèle déjà de ce qui devient un genre à l'époque. La lettre mondaine qu'on appelle lettre galante. Il rêve, c'est intéressant ce passage que l'on vient d'entendre, puisque à la fois il rêve d'aventure, mais il se sent trop timide. Et au fond, on a beaucoup de racines de ce qu'on retrouvera dans l'œuvre, en tout cas, qui est là, hein, dans cette rêverie qui dépasse ce qu'il vit, mais qui le dépasse par des moyens littéraires. Il est nourri de l'Arioste, il le cite dans le texte. Et puis, il s'invente des histoires. Donc, il est dans une phase, pas encore d'entreprise littéraire, peut-être, mais au moins de vie très littéraire. Parce qu'il va y avoir le détour par Uzès, qui est l'épisode qui vient juste après. Et alors là, est-ce qu'il y a une tentation de rentrer dans le clergé? Est-ce qu'on peut y croire vraiment? Il suit un itinéraire qui, là aussi, est très classique. Il a un oncle qui est chanoine à Uzès. Et comme ça se fait souvent, l'oncle envisage de donner sa place à un neveu. Un ecclésiastique n'a pas d'enfant, donc il case ses neveux. Donc il pense à celui parmi ses neveux qui est démuni, mais instruit, qui peut faire un chanoine parce qu'il a toute la formation qu'il faut. Il fait appel à Racine, qui séjourne à Uzès, qui, à Uzès, lit des ouvrages de doctrine religieuse et de théologie. Et dans les lettres de Racine qui datent de cette période, il y a un détail extrêmement intéressant, très matériel, c'est que, en tête de chaque papier, chaque feuille de papier sur laquelle il écrit une lettre, il met une croix. C'est-à-dire qu'il se présente comme déjà entré dans les ordres. Le but n'est pas une conquête mystique. Le but, c'est de trouver une place dans la société et être chanoine en charge d'un canonicat assez important. Uzès, c'est un centre assez important à l'époque. C'est effectivement un statut. Parce que la religion, vous diriez que ça a quelle place dans la vie de Racine, in fine? À cette date-là, je ne sais pas. Et après? Plus tard, ça en prendra. On sait que plus tard, il a, parlé, écrit, manifesté et socialement agi d'une façon qui donne de la présence effective à la religion et en particulier à la tendance janséniste du catholicisme. Mais c'est plus tard, à cette date-là, on ne sait pas. En tous les cas, il va quand même plutôt choisir à ce moment-là de revenir à Paris et de tenter sa chance dans ce qu'on pourrait appeler la mondanité, et notamment auprès du roi. Comment ça se passe, Alain Vialin ? Quand il est à Uzès, il écrit beaucoup. On a tout un volume des lettres qu'il écrit d'Uzès, qui sont très semblables à celles qu'écrit à peu près au même moment La Fontaine, quand pendant quelques mois, il est obligé de quitter Paris. Il faut dire que les deux sont amis, hein, vous les deux l'avez sont mentionné amis, tout à l'heure. Correspondent. Et c'est le style déjà de ce que j'appelais tout à l'heure la lettre galante. Racine en pratique beaucoup. Mais à Uzès, et l'affaire du canonicat ne marche pas. Il ne peut pas récupérer le canonicat de son oncle. Donc il rentre à Paris parce que il n'a aucune raison de rester à Uzès. Et quand il rentre à Paris, il faut qu'il fasse quelque chose. Or à Uzès, il a commencé à écrire. Il le dit après, dans les traces que l'on peut avoir, il commence à essayer de concevoir de l'écriture. Il rentre à Paris avec, à un moment, c'est la formule que j'emploie dans ce livre sur Racine, la stratégie du caméléon, c'est ne sachant que faire, il se fait écrivain, parce que là au moins il peut faire quelque chose de ce qu'il sait et de ce qu'il est capable de réaliser. Mais alors là, quand même, on a envie de vous arrêter, Alain Vialin, cette formule « ne sachant que faire », quand on connaît les tragédies de Racine, on a quand même du mal à imaginer que ce soit presque un pis-aller, que ce ne soit finalement qu'une stratégie pour grimper dans l'échelle sociale. On a quand même affaire à un artiste. Alors, on va réagir à ce que vous venez de dire de façon provocatrice. On va réagir à propos du mot stratégie. Très souvent, on entend caméléon tout à l'heure de façon péjorative. Stratégie, on l'entend très souvent de façon péjorative, comme du calcul. Stratégie, c'est d'abord, si l'on réfléchit deux secondes là-dessus, ce à quoi on est porté presque par force. Et que l'on peut essayer ensuite de construire comme une démarche, mais ce à quoi on est porté. Chez Racine, on a une contradiction, un énorme capital culturel et une difficulté à exister socialement. Vous analysez Racine avec Bourdieu, hein. Oui, les auditeurs l'auront compris. On peut dire que j'analyse Racine avec les mots de Bourdieu, je viens de parler effectivement de capital culturel. Donc il réagit d'une façon premièrement logique, il investit le capital dont il dispose, son capital culturel, mais deuxièmement, et c'est là que je crois on touche à quelque chose d'extrêmement important, il réagit selon une contradiction qui est suraiguë. Suraiguë parce que son capital est surdimensionné et sa difficulté sociale est elle-même surdimensionnée. Donc c'est cette contradiction-là qui me semble intéressante, et cette contradiction-là, il me semble qu'elle éclaire énormément de choses ensuite dans toute l'œuvre. Par exemple ? On va anticiper sur la suite. Allez, anticipons un petit peu. Mais par exemple, ce qui est la tendance, au moment où il commence à écrire, ce qui est la tendance dominante. Là, il faut qu'on se débarrasse de certains stéréotypes. On parle toujours du XVIIe siècle en termes de baroque et de classique. Écartons tout ça, regardons ce qui se pratique à l'époque. Ce qui est la tendance dominante à Paris dans les milieux mondains modernes et à la cour, c'est la tendance qui se nomme, selon les termes de l'époque, la galanterie. Je suis désolé, j'en ai fait une petite manie ensuite, mais c'est là au fond que j'ai découvert l'importance de cette catégorie. Et la galanterie suppose un discours mondain, plutôt raffiné, et principalement amoureux. Regardons Racine et ce qu'il écrit. Toute une part de son œuvre, ce sont des histoires d'amour. Des histoires d'amour où il emploie le style qu'on trouve à l'époque chez Pélisson, grand théoricien de la galanterie que j'ai cité tout à l'heure, ou chez Mademoiselle de Scudéry, ou chez des quantités d'autres auteurs, Madame Deshoulières, etc. La Fontaine aussi. Sauf que Racine fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il essaie de se poser une question qu'il met devant ses lecteurs et plus exactement ses auditeurs et spectateurs, c'est « Et si on prenait ces mots au pied de la lettre ?» Qu'est-ce que ça recouvre, le langage que nous utilisons couramment dans notre milieu de gens mondains, modernes, dans ces années-là? Et tout d'un coup, les mots prennent un relief terrible. Par exemple, pensez à Andromaque, dont on va parler dans une minute ou deux, puisque c'est le moment qui marque vraiment sa grande percée. Quand on a un personnage comme Pyrrhus qui dit... vaincu, chargé de fer, de regrets consumés, brûlé de plus de feu que je n'en allumais. Ce ne sont que des métaphores galantes banales. Racine les reprend. Alors, ou bien on se dit, ah oui, reprend les métaphores galantes banales, et du coup, ça perd beaucoup de son intérêt. Mm-hmm. On a donné un contexte et ça raplatit. Ou alors, on se dit, ah oui, mais dans ce contexte-là, ce qui se passe, c'est que Pyrrhus, il y croit vraiment aux mots qu'il emploie. Il dit vraiment qu'il souffre. Et au nom de cette souffrance, il est capable d'exercer sur Andromaque le pire des chantages. Aimez-moi ou épousez-moi, couchez avec moi, ou je tue l'enfant que vous avez d'Hector. On entre tout d'un coup dans la tragédie par le creux des mots. Alors en tout cas, je crois que Madame de Staël avait vu ce rapport à la galanterie. On écoute tout de suite un extrait d'un texte de Madame de Staël sur Racine. On a souvent disputé sur ce qu'il fallait préférer dans les tragédies, de l'imitation de la nature ou du beau idéal. L'auteur qui a porté au plus haut degré de perfection et le style, et la poésie, et l'art de peindre le beau idéal, Racine, est l'écrivain qui donne le plus l'idée de l'influence qu'exerçaient les lois et les mœurs du règne de Louis XIV sur les ouvrages dramatiques. Le caractère d'Achille, dans Iphigénie, avait quelques traits de la galanterie française. On retrouvait dans Titus des allusions à Louis XIV. Le plus beau génie du monde, Racine, ne se permettait pas des conceptions aussi hardies que sa pensée peut-être les lui aurait suggérées, parce qu'il avait sans cesse présent à l'esprit ceux qui devaient le juger. La peinture de l'amour, sous le règne de Louis XIV, était aussi soumise à quelques règles reçues. La galanterie envers toutes les femmes, introduite par la loi de la chevalerie, la politesse des cours, le langage élégant, que l'orgueil des rangs se réservait comme une distinction de plus, tout multipliait les convenances que l'on devait ménager. Ces difficultés ajoutaient souvent à l'éclat du génie qui savait les vaincre, mais quelquefois aussi, l'expression recherchée refroidissait l'émotion. Un tout petit mot de commentaire, Alain Viala, sur cet extrait, puis après on reprendra le fil de la chronologie de la vie de Racine. C'est un extrait magnifique, c'est un extrait que j'aime beaucoup, c'est un extrait que je cite dans le livre sur la galanterie, justement, et c'est un extrait où, d'une certaine façon, Madame de Staël dit tout, puisqu'elle dit que la difficulté augmente la perception du génie qui les affronte et qui les surmonte, et elle pose une dialectique de l'élégance du langage et de la violence qui me semble extrêmement productive comme réflexion sur le théâtre racinien. Alors vous avez dit que Andromaque c'était un petit peu l'explosion de Racine sur la scène du théâtre de l'époque. Pour raccrocher quelques wagons, il revient donc de Uzès en 1663. Il écrit une ode sur la convalescence du roi, parce que le roi à cette époque-là venait de guérir de la rougeole. La France était bien soulagée. Et puis il va écrire, alors pour Molière je crois, il va être un petit peu le nègre de Molière, c'est ça Alain Viala? Oh, pas le nègre, mais il commence, précisons, il commence par faire des poésies de cours, de circonstances. Le premier sonnet que j'évoquais tout à l'heure, c'est un sonnet à l'occasion de la paix des Pyrénées, la fin de la guerre entre la France et l'Espagne. Puis il écrit sur le mariage du roi quand le roi de France épouse l'infante d'Espagne. Puis il écrit sur la convalescence du roi. Donc il suit les événements d'actualité en faisant des chroniques rimées, des chroniques poétiques, de tonalité galante. Et il cherche par là à se faire connaître dans le monde du public de la cour. Et à l'époque, il faut considérer qu'il y a trois sortes de publics différents. Il y a le public assez restreint du monde de la cour. Il y a le public de la classe très cultivée, des auteurs et critiques, donc public des savants. Puis il y a le public des honnêtes gens. Et ce public des honnêtes gens, c'est celui qui achète des livres et qui va au théâtre. Et Racine se met à écrire, après avoir écrit pour la cour, du côté du public un peu plus large, qui est le public des honnêtes gens, et il se met à écrire pour le théâtre, et il trouve un metteur en scène et producteur qui accepte de monter sa première pièce, qui est Molière. Alors, nègre de Molière, je pense que ce serait une formule excessive, mais qu'il ait travaillé avec Molière et pour des productions montées par Molière, oui. Sa première pièce sera effectivement La Thébaïde ou Les Frères Ennemis, montée par Molière. Première pièce qui n'est pas un chef-d'œuvre, pensez-vous ? C'est une pièce un peu scolaire. Et qui a, il est très jeune aussi, hein, il a 25 ans. Il a 25 ans et qui a un défaut, c'est que, mais comme, après tout, c'est une expérience que beaucoup de gens ont pu faire, dans sa première œuvre, il en met trop. Il accumule trop de références, du coup, il raconte l'histoire d'Édipe et de sa, la succession d'Édipe, des enfants d'Édipe, en mettant tout en une seule tragédie. Ça fait une tragédie un peu surchargée. On peut considérer que c'est une tragédie passionnante, mais pas forcément un chef-d'œuvre. Donc 3 ans après, c'est Andromaque. Là aussi, c'est une très grande jeunesse, finalement, pour un tel chef-d'œuvre. Oui, mais entre les deux, il faut citer Alexandre le Grand. Au moment où, juste pour bien le placer chronologiquement, au moment où le programme de propagande de la grandeur de Louis XIV lance la série des grandes tapisseries des Gobelins où Louis XIV est comparé à Alexandre le Grand, Racine écrit une pièce consacrée à Alexandre le Grand. Il entre dans cette ambiance-là et c'est Alexandre amoureux. Là, on est dans l'Arioste. Hein. Alexandre amoureux part à la conquête du monde par amour. Et puis vient Andromaque. Et là, c'est le succès. Ouais. Alors, c'est un succès qui dure toujours. Et ça, c'est tout de même assez incroyable parce que il y a quand même un certain nombre de contemporains de Racine qui, à l'époque, étaient célèbres et qu'on a complètement oubliés. Quino, par exemple, bon, pas tout à fait oublié, mais quand même relativement. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce qu'il y a un génie propre à Racine? Est-ce que vous pourriez essayer de le caractériser? Ce qui me semble observable dans Andromaque, c'est que, premièrement, comme vous venez de le dire, on est dans une tonalité qui est très présente à l'époque. C'est une histoire d'amour, d'amour difficile, mais une histoire d'amour. Une pièce, une tragédie où il est question d'amour. Comme chez Quino. La différence, c'est que Racine, avec Andromaque, fait une pièce extrêmement simple, avec un langage extraordinaire. Une pièce extrêmement simple puisque on a affaire à un chassé-croisé, hein, on prend des couples et puis ces couples s'entendent pas entre eux, donc ça bouge, mais c'est un schéma qu'on trouve très très souvent dans le théâtre. Le principe de la tragédie aussi un petit peu. Ah, oui, c'est tout à fait un schéma classique que Racine traite de façon simple, plus parce que chacun de ses personnages est très caractérisé par un tempérament dominant. Pyrrhus, c'est un sanguin. Hermione, c'est une colérique. Oreste, c'est un mélancolique. Donc, on pourrait développer là sur la théorie des humeurs, l'anthropologie de l'époque. Et Andromaque, c'est une lymphatique. On a bien ces 4 images qui se mettent très vite en place. Donc, c'est assez repérable l'un et l'autre. Mais à l'intérieur de ce cadre relativement repérable, Racine fait un travail de langage extraordinaire. J'ai, par anticipation, cité Pyrrhus tout à l'heure, mais là, on est au cœur de la force de l'écriture. Alors, ça nous donne aussi quelques ponts vers l'émission de demain, où on parlera plus spécifiquement de l'œuvre. Pour continuer sur la personnalité de Racine, vous dites que c'est un jeune brillant, chanceux, ambitieux. Vous allez même jusqu'à dire qu'il est prétentieux. Par moments, oui. C'est l'image qu'on retient de lui encore aujourd'hui, je crois. Par moments, oui. Il y a chez lui des signes de raideur, pour le dire comme ça, mais qui sont perceptibles notamment dans la façon dont il mène sa carrière quand il décide que Molière ne joue pas assez bien ses tragédies et qu'il négocie avec la troupe concurrente. On voit que le désir de s'affirmer, là, se traduit, ou plutôt, on voit un mode, une façon d'agir qui indique qu'il avait un désir de s'affirmer. Et il y arrive très bien. C'est son côté caméléon. Il arrive à se fondre, effectivement, dans toutes les sociétés où il se trouve. Alors, qu'en est-il de la question amoureuse? On va répondre bientôt à cette question. Juste après, une archive, de nouveau, de Daniel Mesguich. On dit toujours, parce qu'on calque ce que quelques professeurs, fatigués peut-être, ont pu dire. Alors voilà, ce sont des héros, les pauvres, déchirés entre le devoir et la passion, entre la politique et l'amour, etc. Oui, oui, bien sûr qu'ils sont déchirés. Mais est-ce qu'ils sont déchirés entre deux forces antagonistes, l'une qui serait le pouvoir, la politique, le devoir, et l'autre qui serait privée, intérieure, intime, et qui serait le désir, l'amour, la passion? Je ne suis pas sûr du tout. Je crois même qu'on peut imaginer que l'un est non pas le contraire de l'autre, mais son prolongement, en quelque sorte. C'est-à-dire que tout amour, privé, secret, intérieur, qui ne pourrait pas s'inscrire comme un soleil dans l'univers, à la face du monde, devant tous, s'enregistrer dans l'histoire de l'univers, si j'ose dire, triompher, briller, comme le roi soleil, comme un soleil, vraiment. Eh bien, tout amour qui ne pourrait pas faire ça, qui resterait intime, secret, privé, ne serait pas de l'amour. Il faut donc aller jusqu'à ce que les classiques appellent la gloire, c'est-à-dire l'amour réciproque. Britannicus aime Junie, Junie aime Britannicus, mais cet amour réciproque, lancé à la face du monde comme un défi, enfin comme un monde à soi tout seul, la réussite du rapport entre ce Dieu qui est un désir et ce désir qui est un Dieu et la vie quotidienne. Alors Racine est-il allé jusqu'à la gloire dans sa vie privée relativement à l'amour, Alain Viala? Non. C'est bien des phénomènes intéressants. On pourrait discuter avec ce que l'on vient d'entendre, justement. À partir de ce que l'on vient d'entendre, je veux dire. Non, ce qui est très frappant chez Racine, c'est que l'idée romantique d'une grande passion vécue comme une liaison difficile et retraduite dans l'œuvre, non, ces amours n'ont jamais pu être illustres. Pendant longtemps, il a été, on le sait, amoureux et amant de grandes actrices. Alors justement, est-ce que avec la Dupart, par exemple, il n'y a pas eu quand même passion violente? Sa passion, elle a probablement été très forte, voire violente. Mais ça n'est pas une passion qui peut éclater dans la lumière publique. Ça n'est pas une passion qui s'affiche. Tout le monde est au courant, mais on ne va pas en faire un objet de gloire. Il y a la Champmêlée, avait 26 ans. Madame de Sévigné disait qu'elle était laide de près, mais ouais, adorable sur scène. Bon, Racine l'a trouvée suffisamment à son goût, en tous les cas. Oui, mais il aime... Il a des passions amoureuses avec des actrices. Il est auteur de théâtre. Enfin, il est dans un univers. Il en sortira un peu plus tard, sur notre de sa vie amoureuse, lorsqu'il se mariera. Mmh. Et alors, chez Racine, le mariage n'est pas du tout une affaire de passion. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, du coup, de l'ascétisme, ou au contraire, du côté jouisseur de Racine? De quel côté se situait-il? Je pense qu'il a vécu pendant un certain temps, quand il est dans son activité théâtrale et amoureux et amant d'actrice, sur le mode de la jouissance. Je pense qu'ensuite, il a été dans une vie amoureuse, en tout cas conjugale, sage. Mmh. C'est une vie de bon père de famille? De bon père de famille, très soucieux de ses enfants. Voilà une lettre, justement, adressée à son fils. Vous me faites plaisir de me rendre compte des lectures que vous faites, mais je vous exhorte à ne pas donner toute votre attention aux poètes français. Songez qu'ils ne doivent servir qu'à votre récréation et non pas faire votre véritable étude. Ainsi, je souhaiterais que vous prissiez quelquefois plaisir à m'entretenir d'Homère, de Quintilien et des autres auteurs de cette nature. Quant à votre épigramme, je voudrais que vous ne l'eussiez point faite. Outre qu'elle est assez médiocre, je ne saurais trop vous recommander de ne vous point laisser aller à la tentation de faire des vers français qui ne serviraient qu'à vous dissiper l'esprit. Surtout, il n'en faut faire contre personne. Que tout ce que je vous dis ne vous chagrine point, car du reste, je suis très content de vous. Et je ne vous donne ces petits avis que pour vous exciter à faire de votre mieux en toutes choses. Votre mère vous fera part des nouvelles que je lui mande. Adieu, mon cher fils. Je ne sais pas bien si je serai en état d'écrire ni à vous, ni à personne de plus de 4 jours, mais continuez à me mander de vos nouvelles. Parlez-moi aussi un peu de vos sœurs, que vous me ferez plaisir d'embrasser pour moi. Je suis tout à vous. Est-ce que vous inférez quelque chose de la personnalité de Racine dans ce qu'on entend à travers cette lettre, de son rapport avec son fils ? Il s'est énormément occupé de ses fils. Il a 2 fils, dont l'un a disparu assez jeune. Il s'est beaucoup occupé de sa famille. Il y a un moment où il est certain que, on a parlé tout à l'heure de bon père de famille, on a une figure protectrice. En fait, il y a plusieurs vies de Racine qui ont l'air un petit peu cloisonnées. La vie de famille, la vie de courtisan quand même à Versailles, les relations qu'il entretient peut-être avec ses amis, La Fontaine, Boileau aussi, on pourra peut-être en dire un mot. Il y a plusieurs vies. Plusieurs vies, non, mais plusieurs facettes dans une même vie, oui. Et plusieurs étapes dans cette vie. Le phénomène très caractéristique, c'est que Racine est d'une remarquable activité créatrice en tant qu'écrivain de théâtre, mais pendant une période assez courte. Quand on regarde de près, ça tient à une 12-15 d'années. Avec un petit retour sur la fin de pièces de commande. Oui, mais parce que il est, quand il fait carrière comme auteur de théâtre, il travaille énormément. Ensuite, il est promu historiographe du roi. Et il continue à écrire. Alors c'est quoi, historiographe du roi ? Parce que le roi a traditionnellement des historiographes pour écrire sa gloire. Parce que le roi trouvait que Pélisson ne le faisait pas assez bien. Parce que Racine est protégé de Colbert et que Colbert trouve que c'est une occasion de placer 2 hommes à lui, qui sont Racine et Boileau, qui sont très amis entre eux, comme historiographe du roi. Et Racine, et il est peut-être ambitieux, prétentieux, je ne sais pas, mais en tout cas, quand il a un job, il le fait. Donc, quand il le fait mieux que Boileau, presque. Hein. Oui. Il se donne davantage, il va suivre Louis XIV sur les champs de bataille, alors que Boileau boit un petit peu froid, quand même, il reste chez lui. Reste plus à Paris, oui. Mais quand il fait auteur de théâtre, il le fait à fond. Quand il est historiographe du roi, il va sur le terrain, il rédige, on a quelques fragments qui sont restés, et il considère que, étant au service du roi, il n'écrit plus de théâtre, il écrit l'histoire du roi. Puis quand le roi lui demande, ou le roi ou Madame de Maintenon lui demande de réécrire pour le théâtre, il revient au théâtre. Ça n'est pas qu'il rejette le théâtre, il continue à éditer ses œuvres. Il continue à en vivre d'ailleurs et à en vivre assez bien. Les oui. droits d'auteur de ces œuvres qui sont sans cesse jouées. Il ne se renie pas, il ne considère pas que le théâtre a été une erreur de jeunesse, mais il fait autre chose. Donc ça signifie que la carrière est pour lui plus importante que de continuer à développer son art et à faire du théâtre. Parce qu'il abandonne quand même malgré tout le théâtre pour devenir historiographe. C'est le mot carrière qui me fait un peu... Mais il est employé justement à dessein. Puisque... Hésiter dans ma réponse. Est-ce que être écrivain de théâtre, puis historiographe, ça n'est pas une seule et même carrière pour quelqu'un qui est parti de pas grand-chose, on l'a dit tout à l'heure, que de parvenir à des positions où il remplit un rôle social important et un rôle social qui, à tout point de vue, est gratifiant. Oui. Mais justement, donc quelques siècles plus tard, l'artiste maudit va induire dans nos esprits une image de ce que doit être un artiste. Or là, de fait, le renoncement à la littérature, le renoncement au théâtre, donne cette idée que finalement, ce qui comptait, on le trouve un petit peu dans votre ouvrage aussi quand même, Alain Viala, que ce qui comptait, c'était d'arriver et c'était de faire partie des gens qui comptent à la cour. Je pense deux choses à ce sujet. L'une, c'est qu'il est important de se placer dans ce que j'appelle les catégories endogènes, et que à l'époque, le prestige de l'artiste maudit n'était pas ce qu'il est devenu au XIXe siècle. Donc, n'existait même pas. Oui, il n'existait pas. Donc, gardons un peu le contexte, gardons même beaucoup le contexte de ce que c'était à l'époque. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on y regardait d'un peu près, on s'apercevrait qu'il y a des ribambelles d'écrivains proches de nous dans le temps pour qui écrire a été une facette de l'activité, mais pas une sorte de vocation absolue, exigeante et impérieuse. Il a toujours eu peur, tout de même Racine, même si il est devenu assez riche, pourra d'ailleurs en dire un mot, mais il a toujours vécu de manière plutôt simple. Il a toujours eu peur d'un retournement de sa situation. Il a toujours pu craindre un retournement de sa situation, puisque pour partie, son confort dépendait des charges qu'il a pu obtenir par la protection royale, et ce que la protection royale a pu donner, la protection royale peut la retirer. Les gratifications que donne le roi, elles ne sont pas garanties à vie, donc il y a de la crainte légitime. La deuxième chose qu'il faut avoir présente à l'esprit, c'est peut-être qu'il a peur de manquer parce qu'il a craint de manquer dans son enfance, on peut l'imaginer comme ça, mais on peut aussi tenir compte, là encore, de catégories endogènes. Les inégalités sociales, les inégalités financières à cette époque sont gigantesques. Il faudra encore 30 ans de la pente calamiteuse sur laquelle nous sommes de nos jours dans nos pays européens avancés pour arriver à s'en faire une petite idée. Donc Racine, même s'il est parvenu à une certaine confiance sociale, ne peut pas en faire une confiance absolue. Donc il place son argent, hein, c'est un assez bon spéculateur, visiblement. C'est donc un honnête bourgeois de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on peut dire des dernières années de Racine et puis de sa fin? Il meurt à l'âge de 59 ans, le 21 avril 1699, Alain Viala. Ces dernières années ont été marquées par un retour vers une interrogation religieuse. Il y a, de façon très visible chez lui, un retour vers la religion, enfin, en tout cas vers Port-Royal, vers les jansénistes qu'il avait formés. Donc, on peut, de cette préoccupation religieuse, penser qu'il y a une interrogation qui est assez normale à l'époque. Est-ce qu'il est vraiment janséniste? Est-ce qu'on peut dire ça? Il a pris des positions qui le font classer parmi les jansénistes. Il a écrit l'histoire de Port-Royal. Ça n'est pas rien. Ce geste n'est pas neutre. Oui. Est-ce qu'il est janséniste pour autant? Je ne sais pas. Je ne connais pas le secret. Là encore, la biographie parfaite, ça n'existe pas. En revanche, je vois qu'il a écrit très tôt, en 85, son testament, et que quelques années plus tard, se sentant plus fragile, il commence à se sentir malade, il ajoute un codicille. Et dans ce codicille, il demande à être enterré à Port-Royal au pied de ceux qui l'ont formé quand il y était élève. Donc il a assumé l'image d'un enfant de Port-Royal. Merci beaucoup Alain Viala. Je rappelle votre dernier livre, La Galanterie, une mythologie française, publiée aux éditions du Seuil. Et puis on peut lire aussi de vous l'essai biographique sur Racine, La stratégie du caméléon, publié il y a pas mal d'années maintenant, mais il doit être encore disponible aux éditions Segers. Tout de suite, la chronique. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et la chronique, elle est proposée aujourd'hui par Pierre Benetti du magazine en ligne En Attendant Nadeau. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Deux correspondances d'André Breton paraissent avec Alain Joubert qui s'en fait l'écho dans En Attendant Nadeau. Et c'est de cela que vous commencez par nous raconter. Oui, Alain Joubert qui a été lui-même membre du groupe surréaliste auprès d'André Breton a lu avec passion et enthousiasme la correspondance que publie Gallimard entre André Breton et Paul Éluard. Et c'est l'histoire d'une amitié, de ces déchirements, de ces trahisons que raconte cette correspondance. On a accès, grâce à toutes ces lettres, à la passion d'André Breton pour Éluard, à la passion d'Éluard pour Breton, les jalousies avec Benjamin Perret, toute la vie effervescente du mouvement surréaliste, en passant par Dada, jusqu'à la rupture totale, terrible, quand Éluard prend fait et cause pour l'Union soviétique, avant la Seconde Guerre mondiale. Et la correspondance raconte, nous dit Alain Joubert, la trahison de l'amitié, mais aussi la puissance de l'histoire sur les amitiés. C'est l'histoire qui aura brisé l'amitié de Breton et Éluard, dit Étienne Alain Hubert, le maître d'œuvre de cette édition, qui est historien très important du mouvement surréaliste, et quelque chose de bouleversant à lire cette correspondance. La deuxième amitié de Breton que nous raconte Alain Joubert, c'est celle entretenue avec Simone Debout. Mmh. Les éditions Claire Polan publient cette correspondance, mais à travers Simone Debout, André Breton découvre ou bien entretient un lien avec Charles Fourier, une sorte d'amitié plus ancienne, disons. Donc Simone Debout, résistante, va nourrir le lien de Breton avec cet autre compagnonnage, ce qui va faire que Breton va associer le transformer le monde de Marx, le changer la vie de Rimbaud et une véritable transformation de l'entendement humain voulu par Charles Fourier, mais d'une certaine manière développé par les surréalistes. Et puis un autre article, celui-là de Tiphaine Samoyau, sur la biographie de Nathalie Sarraute par Anne Jefferson, c'est chez Flammarion. Oui, donc là on parlait de l'œuvre de Breton, on a aussi rendu hommage dans En attendant Nadeau à l'œuvre de Guyotat qui vient de mourir. Et là c'était l'occasion aussi de rappeler l'importance d'une œuvre assez peu célébrée, il faut dire, en France. Et c'est un paradoxe, l'œuvre de Sarraute qui a vécu en France, qui a écrit en français, est très peu connue ou bien très peu diffusée. Moins connue qu'en France, diriez-vous, qu'à l'étranger ? On en a l'impression, en tout cas c'est ce que dit le fait qu'une chercheuse anglaise, Anne Jefferson, publie la première biographie de Sarraute. Ça fait 20 ans que Sarraute est morte en 99, elle a traversé le siècle entier puisqu'elle était née en 1900. Et Tiphaine Samoyau insiste dans son article sur un point particulier de cette biographie, c'est qu'on voit tous les déplacements de Nathalie Sarraute entre les langues, entre les pays. On a trop souvent ramené Sarraute à une position très fixe dans le nouveau roman. En vérité, ça a été une œuvre et une personne qui s'est beaucoup, beaucoup déplacée à travers sa propre histoire. C'est peut-être justement l'étiquette nouveau roman qui fait peur et qui empêche la bonne connaissance et le plaisir finalement de la lecture de Nathalie Sarraute. En effet, c'est surtout, elle a bien accompagné le nouveau roman, mais en tout cas, elle en a proposé un en elle-même. C'est-à-dire que son œuvre reste tout à fait neuve pour qui veut bien faire l'effort de s'y plonger. Et il y a quelque chose de très pertinent dans la biographie d'Anne Jefferson à le voir. Eh bien, merci beaucoup. Comment fait-on pour lire et se procurer En attendant Nadeau ? Alors, il y a deux moyens. C'est d'aller sur le site directement, soit un mercredi sur deux, comme on publie le numéro à ce moment-là, ou bien de rejoindre l'application qui est en ligne, disponible gratuitement depuis un mois. Voilà, et évidemment, on vous conseille de faire ça. Merci beaucoup, Pierre Benetti. Merci à vous. C'était la compagnie des œuvres Laurence Millet, Laurence Genepin, Anne-Vanessa Prévost, Pierre Cattaneo et Florent Bujon. Et puisque nous parlons de Racine toute la semaine, je signale que le samedi 7 mars à 20h au studio 104, vous pourrez venir assister à un concert fiction sur Iphigénie de Racine par la troupe de la Comédie Française. Tout cela sera diffusé sur l'antenne de France Culture le 12 avril à 21h.